Question numéro 6. Que signifie l'attestation « La ilaha illallah » « Ma ma'na shahadati an la ilaha illallah »